Bienvenue. Tu vas pouvoir rejoindre la secte du Devin. Tu as été élu. Nous allons te faire passer des épreuves initiatiques au cours desquelles les secrets ésotériques du jeu de rôle vont être révélés. Tu vas apprendre à créer un personnage, comment lancer un des 20, et même comment passer de niveau. Oui, si tu as le cœur pur. Et que tu ne ménages aucun effort, si tu me voues une totale confiance à moi, ton maître du donjon, alors oui, ces arcanes seront tiennes, oui, toi qui as été choisi pour tes qualités exceptionnelles, pour ta connexion intime au mystère de la fantaisie, rejoins la secte du Devin. Ouais. Oui, j'avoue, en fait, mes critères de recrutement sont assez bas. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, bienvenue dans la secte du Devin, puisque, effectivement, le sujet dont on va parler aujourd'hui, on va parler de l'initiation au jeu de rôle. Et pourquoi, voilà, pourquoi ça s'appelle initiation? Est-ce que ça se ferait pas un petit peu secte? Il faut qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiation? En fait, ça désigne le fait de faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un ou quelqu'une, de lui enseigner le jeu de rôle, ça peut être par le discours ou par la pratique, ou éventuellement lui filer un bouquin pour que la personne, entre guillemets, s'auto-initie, apprenne par elle-même en lisant un bouquin de jeu de rôle, comment faire du jeu de rôle, mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça se passe de bouche de druide à oreille de druide, hein, c'est-à-dire que je vais te faire jouer à un jeu de rôle, c'est comme ça que je vais t'initier au jeu de rôle. Je renvoie à la vidéo comment transmettre oralement le jeu de rôle. Et donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on va apprendre à la personne? On va lui apprendre à interpréter un personnage, éventuellement on va lui apprendre à faire MJ, ou dans une moindre mesure, on peut aussi lui apprendre à jouer à un jeu sans MJ, ce qui implique en fait d'intégrer une posture hybride, puisque dans les jeux sans MJ, t'es à la fois personnage et MJ, quoi. Donc cet emploi du terme initiation, il est aussi courant, mais en fait, du coup, en faisant mes recherches là pour la vidéo, j'ai trouvé plein de jeux de rôle où c'est mis boîte d'initiation, kit d'initiation, tu vois. Et puis bon, bah voilà, c'est un terme dans convention, sur les internets, tu vas entendre beaucoup le terme initiation. C'est un terme très courant, mais c'est aussi un terme controversé. Parce qu'en fait, ça donne un peu une image sectaire au jeu de rôle, quoi. Initiation, je sais pas, ou au mieux franc-maçonnique, hein. Si j'y pense, je te mettrai le lien vers le podcast de la Cellule, justement, qui parle de la franc-maçonnerie, qui fait des liens avec le jeu de rôle. Et surtout, bah, ça renvoie un peu ce terme initiation, ce type d'imaginaire, tu vois, genre, c'est un truc dont on fait comment, voilà, qu'on fait dans des caves entre initiés, tu vois, bah, ça renvoie évidemment à la panique morale qu'a connue le jeu de rôle dans les années 90, où il a été accusé de tous les maux, et notamment, d'être une espèce de porte d'entrée vers la déréalisation, la superstition, le suicide, les actes, voilà, le terrorisme, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, vraiment, il y a mis beaucoup de choses sur le dos à l'époque. Voilà, cette analyse, voilà, qui est purement sémantique, hein, c'est juste, voilà, on en prend les mots et on dit que les mots sont chargés de sens, et ce mot initiation, il est chargé de sens. Si on veut poursuivre, hein, cette critique, on peut par exemple, si on voudrait, on pourrait critiquer là un produit que va sortir l'édition Entremonde, donc c'est les éditeurs de Knight, et donc ils sortent une boîte qui va s'appeler Knight boîte de recrutement, initiation au jeu de rôle. Alors, quand je dis la boîte, j'ai du mal à savoir si c'est initiation au jeu de rôle en général ou juste initiation au jeu de rôle Knight. C'est pas très précis, peut-être à dessein, mais c'est surtout qu'en plus, bon, on a déjà le terme initiation, qui est un petit peu lourd, comme on l'a expliqué, et on a ce terme de recrutement en plus. Alors après, tu me connais, je vais essayer de nuancer. Donc, dans pas longtemps, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si grave que la boîte de Knight s'appelle boîte de recrutement. Ouais, ça fait un peu peur comme ça, mais non. Bon, bref. Je vais arrêter de spoiler la suite de la vidéo. Voilà, j'avance. Le terme initiation au jeu de rôle a eu au jeu de rôle. Il est également controversé en fait, parce que on pourrait estimer que c'est malhonnête de dire à une personne, bah je t'ai fait jouer une partie de jeu de rôle. Ça y est, je t'ai initié au jeu de rôle. Tu sais, c'est quoi le jeu de rôle, tu vois? Un petit peu comme Néo quand il se prend des implants pour apprendre le kung-fu. En fait, parce que du coup, l'initiation par une simple partie, mais voire même par juste une campagne, tu vois, ça peut être pas forcément, mais juste par quelques parties, quoi, ça donnerait une image partielle du jeu de rôle, quoi. Puisque, évidemment, aucune partie de jeu de rôle ne peut représenter la diversité du loisir. Parce que là, le jeu de rôle, ça se divise en tout un tas de sous-familles. Je me suis mis à faire une liste là comme ça. Il y a le jeu de rôle traditionnel, bien sûr, le jeu de rôle à narration partagée, le jeu de rôle sans MJ, l'old school Renaissance, le dungeon crawler, qui est presque un jeu de plateau avec un vernis jeu de rôle donjonesque, hein. Les jeux narratifs, par exemple pour l'arène, mais pourquoi pas aussi Il était une fois. Le jeu solo. Le jeu textuel, on n'est pas obligé de parler pour faire du jeu de rôle. Le jeu en ligne, on n'est pas obligé de se voir en présentiel pour faire du jeu de rôle. Tu vois, donc à la limite, quand je te montre une boîte d'initiation avec plein de beaux matériels cartonnés, bah, ça fait penser jeu de rôle égale présentiel. Mais en fait, il y a toute une pratique en ligne. Donc bon, bah évidemment, l'idée c'est que si je te fais jouer une partie de jeu de rôle, je t'ai initié à un jeu de rôle, à une façon de jouer au jeu de rôle. Et il faudrait que tu t'inities encore à bien d'autres façons pour avoir une vision un petit peu globale de ce qu'est le jeu de rôle. Cependant, moi je pense que ce terme initiation n'a pas forcément le jeté. Je pense que il reste pertinent. Déjà parce que c'est seulement, à mon avis, à cause de la panique morale sur le jeu de rôle qu'on met un sens sulfureux sur le terme initiation. Parce qu'en fait, il y a plein de loisirs où, dans l'associatif, où ce terme initiation est utilisé sans que ça choque personne. On va parler de initiation au jeu d'échecs dans le cadre d'un club de jeu d'échecs. Il y a certains sports où on va utiliser le terme initiation. Par exemple, on va parler d'initiation au tir à l'arc. Voilà. Et en fait, pourquoi dans ces milieux-là, on parle d'initiation? Parce qu'en fait, on parle de loisirs ou de sports qui sont un peu confidentiels. Je parlais des échecs, je parlais du tir à l'arc. On ne dit pas initiation au jeu de plateau, tiens, c'est curieux ça. Parce que, ou initiation au jeu de société, ou initiation au jeu vidéo, ça n'existe pas, parce que là, je viens de te prendre des loisirs ou initiation au football. Parce que là, à chaque fois, je t'ai pris des loisirs, des pratiques qui sont très populaires, où en fait, bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Après, t'as pas forcément fait beaucoup de parties de foot dans ta vie, mais bon, tu sais, c'est quoi le foot, quoi. Donc, je vais pas t'initier au foot. Donc, initiation, c'est surtout pour faire découvrir une pratique un petit peu confidentielle. Il n'y a pas forcément une connotation négative derrière ça. Et de même, en jeu de rôle, l'emploi d'initiation est doublement pertinent parce que, pour deux choses déjà. J'ai dit qu'il y avait plein de sous-familles au jeu de rôle, mais il y a quand même un air de famille, quoi. Et donc, n'importe quelle découverte du jeu de rôle va t'aider en fait pour découvrir les autres jeux de rôle, quoi. Ça va déjà te donner quelques bases. Tu vas découvrir, je sais pas, par exemple, le roleplay. Le roleplay, c'est une dimension qui est présente dans quasiment tous les jeux de rôle. Je dis bien quasiment, bon, évidemment, si tu joues à Gloomhaven, tu vois, tu fais un dungeon crawler. Moi, je suis pas contre dire que c'est un jeu de rôle, mais il n'y a clairement pas de roleplay. À la limite, si tu joues à Pour l'Arène, c'est pareil, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un jeu de rôle. Mais il n'y a pas extrêmement de roleplay, mais tu as quand même, que ce soit dans Gloomhaven ou dans Pour l'Arène, là je prends volontairement deux produits vraiment à l'opposé sur le spectre, eh bien, ils ont quand même un air de famille entre eux, et ils ont un air de famille avec le ventre mou du jeu de rôle, quoi, le fait de vivre une aventure, de participer ensemble à une fiction, d'être immergé dans un univers, voilà, il y a des choses qui sont quand même en commun, quoi. Et également, ce qu'ont en commun la plupart des jeux de rôle, bah, c'est une certaine difficulté d'accès, on va pas se mentir. Et donc, on dit initiation parce que c'est pas si simple que ça de se mettre au jeu de rôle. Ça ne va pas de soi. Et par ailleurs, ce qui est assez rare, ou difficile, c'est l'auto-initiation, le fait de découvrir le jeu de rôle par soi-même. On voit encore assez souvent des témoignages de personnes qui sont intéressées au jeu de rôle, qui ont commencé la démarche à juste acheter un manuel, et en fait, incapables de jouer juste avec le manuel, quoi. Donc il y a quand même souvent l'intérêt d'avoir une présentation, voilà, vivante par quelqu'un pour comprendre un peu les fondamentaux. Et puis également, le jeu de rôle, bah, il y a sa nature sociale aussi, ce qui implique forcément des échanges réflexifs, une transmission orale, voilà, qui vont nourrir notre pratique autant que la lecture de manuels. Bon, toutes ces, enfin, entre guillemets, il y a cette sorte d'inévitable de la transmission orale, qui, moi, je justifie ce terme d'initiation à mes yeux, quoi. Alors, continuons quand même à contester la légitimité du terme initiation. Là où je suis pas d'accord pour d'initiation, oui, je suis un être de contradiction. Bah, c'est que initiation, ça implique quand même une espèce de culte du secret, c'est-à-dire qu'on va pas montrer le jeu de rôle à n'importe qui, mais seulement des personnes qui en seraient dignes après une longue enquête de confiance. Enfin, tu vois quoi, un truc, bah, un peu une vibe franc-maçonnerie. Attention, je suis pas en train de dire que la franc-maçonnerie est une secte. C'est pareil, les sectes ne recrutent pas n'importe qui. Alors, les sectes ont bien sûr pour but de s'agrandir, mais ne recrutent pas n'importe qui. Elles recrutent des personnes qui ont un profil vulnérable. Ça, c'est important. Donc, en fait, il y a vraiment une énorme. Alors que le jeu de rôle a plutôt, dans son ensemble, une volonté d'ouverture, en fait. C'est-à-dire que tu vois dans l'associatif. C'est des discussions qui sont très très présentes, récurrentes. Les gens veulent que le jeu de rôle s'agrandisse. Et je dis pas qu'on est prêt à prendre n'importe qui, mais on n'en est pas loin. Donc, le jeu de rôle, c'est pas du tout un loisir caché, secret. C'est au grand jour. Le jeu de rôle est de plus en plus présent dans les médias. En plus, il y a les actuels plays évidemment qu'on fait grossir la popularité du jeu de rôle, quoi. Donc maintenant, c'est aujourd'hui très très facile de savoir comment se passe une partie du jeu de rôle. Bon bah voilà, je vais voir Game of Thrones ou Role and Play ou n'importe, et puis je vais avoir une idée, quoi. C'est vraiment très simple, hein. Il suffit d'ouvrir YouTube, je mets jeu de rôle, et je vais tout de suite savoir à quoi ça ressemble. Il y a plein de séances d'initiation proposées en asso, en convention, en médiathèque. Il y a une industrie du jeu de rôle dont le but est quand même de vendre quelques bouquins, quoi. Donc, il cherche à écouler ses produits et tout. Donc, la pratique du jeu de rôle, en fait, c'est pas une pratique initiatique dans le sens où elle n'est pas pensée, c'est pas une pratique ésotérique, c'est pas une pratique hermétique, c'est-à-dire que, genre, on ne veut pas que les gens comprennent comment ça marche, c'est ça l'hermétisme, hein, c'est que on ne veut pas que les gens comprennent comment ça marche, et si tu veux comprendre, il faut que tu te montres digne de confiance, passe des épreuves de confiance, et puis au bout d'un moment, on va te donner les clés de décryptage. Voilà, c'est pas le cas du jeu de rôle. On veut que les gens comprennent. On n'y arrive pas toujours parce que des fois, on a du mal à être clair pour expliquer. Mais ça, c'est pas un défaut de bonne volonté, en fait. Et c'est pas non plus, voilà, une pratique pensée comme élitiste. Dans sa globalité, il y a bien sûr des groupes élitistes. Mais dans sa globalité, c'est pas du tout une pratique. C'est une pratique qui cherche, au contraire, à devenir mainstream, quoi. Même si c'est pas encore le cas, quoi. Ça reste encore confidentiel, mais le but du jeu de rôle dans son ensemble, des communautés dans son ensemble, c'est que le jeu de rôle devienne mainstream. Et de même, c'est vrai que dans le jeu de rôle, bon voilà, il y a des termes comme initiation. Et en général, effectivement, le jeu de rôle va reprendre à son compte un décorum religieux, ésotérique et spirituel. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de rôlistes sont attachés au terme d'initiation, parce que voilà, ça donne une saveur comme ça, un peu mystique, un peu magique, un peu fantasy tout simplement, quoi. Un peu urban fantasy en fait, un peu c'est ça, quoi. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiance urban fantasy qui se dégage de ça, mais ça n'est qu'une esthétique en fait. Juste, ça renvoie à l'ambiance médfan, à l'ambiance fantasy qui est prédominante dans l'imaginaire lié au jeu de rôle. Ça n'a rien à voir avec un agenda, voilà, hermétique ou spirituel lié au jeu de rôle, quoi. Hop. Alors, maintenant, on va un petit peu parler des biais de la pratique d'initiation. À quel moment l'initiation au jeu de rôle ne se fait pas bien, manque son but ou crée des effets un petit peu pervers? Les initiations au jeu de rôle, en fait, ça commence à être acquis que pour initier au jeu de rôle, on va essayer d'avoir une pratique la plus accessible possible. C'est-à-dire qu'on s'imagine, entre guillemets, on s'imagine la personne qu'on vise, on l'imagine comme étant peu disponible mentalement, étant déjà accaparée par des loisirs beaucoup plus séduisants et addictifs tels que jeux vidéo. Voilà, ben, bref, on se dit, voilà, il faut qu'on fasse simple, qu'on fasse court, quoi. Donc, du coup, généralement, les formats d'initiation, ça va être quoi? Ça va être des sessions courtes, voire très très courtes. Un quart d'heure, par exemple. Éventuellement des tables ouvertes. La session dans son ensemble, elle est longue, mais les gens peuvent aller et venir. Donc, la personne peut très bien, elle, ne rester que 10 minutes alors que la partie dure 4 heures. Des personnages prétirés, parce que voilà, créer un personnage, non, non, c'est trop compliqué, tout se prend trop de temps. Donc, un personnage tout fait, un scénario simple, voire simpliste, dirigiste, hein, pas de bac à sable et tout. Tac, point A, point. On va d'un point A, d'un point B, d'un point C, et puis on finit au point D, quoi. Hein. Il faut que les univers, les thématiques de jeu soient populaires. Donc, on veut du Star Wars, on veut du Harry Potter, ou si on ne fait pas populaire, on va faire archétypal, quoi. Hein. Donc, Adventure Party, par exemple, boîte d'initiation, une vieille boîte, je crois que c'est des 12 singes, hein. Ouais, c'est made fan, mais turbo classique, voilà, y a aucune surprise, voilà, on est dans les lieux communs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est carrément se dire, mais même là, c'est trop compliqué, parce qu'il y a la notion de roleplay et tout, gagner le scénario, alors on va faire autre chose, on va aller vers des formes pseudo-rôlistes, donc on va initier avec du jeu narratif, avec du dungeon crawler, avec des... Alors, par exemple, je voulais te parler vite fait d'un format qui a été inventé par la FFJDR qui s'appelle les contes ludiques. Donc, tu auras toute la description, ouais, comme d'habitude, dans la biblio. Les contes ludiques, c'est une sorte de livre dont vous êtes l'oral, c'est-à-dire qu'il y a un animateur, une animatrice qui a son scénario qui va verbaliser, en fait. Vous êtes dans une auberge, que faites-vous? Est-ce que vous allez parler à l'aubergiste, choix 1, ou est-ce que vous allez fouiller l'arrière-cour, choix 2. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque embranchement de l'histoire, il peut y avoir jusqu'à 5 choix. Et en fait, tout le monde a des petits cartons de couleurs, donc 5 couleurs. Et donc, l'animateur triste va dire, bon bah voilà, si vous allez parler à l'aubergiste, c'est choix jaune. Si vous allez dans l'arrière-cour, c'est choix blanc. Si vous allez parler à l'individu mystérieux encapuchonné au fond de la taverne, c'est choix bleu. Si vous décidez de boire comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est choix orange. Et puis, si vous voulez faire un numéro de claquette pour impressionner la galerie, c'est choix vert. Et en fait, il y a plusieurs formes de contes ludiques. Le plus répandu actuellement, c'est qu'en fait, il y a un seul personnage qui est contrôlé par toute l'assistance. Donc en fait, chacun vote. Ah, bon, il y en a un qui va voter bleu, un qui va voter orange. Et du coup, c'est le choix dominant qui l'emporte. Et il y a aussi une formule que personnellement je trouve plus intéressante, mais certes beaucoup plus technique à écrire. Une formule où chacun a un personnage. Et en fait, du coup, il y a plusieurs personnages qui vont parler à l'aubergiste, plusieurs personnages qui vont à l'arrière-cour et tout. Donc le MJ se retrouve à gérer des groupes. Et là, bon, les deux formules permettent de faire découvrir, en fait, tu peux avoir 30 personnes. Enfin, tu peux avoir 30 personnes, 40 personnes devant toi. Tu fais jouer, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, ou si je prends mon premier jeu de rôle, voilà, mon premier jeu de rôle. Donc c'est un livre de Tim Devine, et donc qui est totalement conçu pour l'initiation, je dirais même pour l'auto-initiation, c'est mis 4 ans et plus, hein, attention. Voilà, bon, on est toujours à des chronos annoncés assez courts, 30, 90 minutes. Et on va jouer beaucoup sur le coloriage en fait, hein, puisque les feuilles de... Voilà, les feuilles de personnages, il y a plein d'éléments imprimables, enfin photocopiables, et en fait c'est fait en format album et colorié. T'as ta feuille de personnage. Voilà, t'as ta feuille de personnage, tu vas la colorier, t'as tes, voilà, tes des petits héros, tu vas avoir des petits monstres, tout est dans une ambiance kawaii et tout. Et pourquoi je dis que ça c'est un pseudo jeu de rôle? Parce que il y a. En fait, en termes de gameplay, bah, il n'y a pas vraiment de gameplay, en fait. En gros, le jeu t'explique qu'une partie de jeu de rôle, c'est que les personnages doivent aller trouver un super objet qui est au bout de la carte. On a une carte avec 3-4 endroits à explorer. Je crois que tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, parce que ça n'a strictement aucune importance. Bon, il faut faire les 3-4 endroits. À chaque fois, il y a un combat avec un monstre et on récupère un objet. Quand on a les trois objets, on fait un dernier endroit. Là, il y a un combat de boss. Et les combats, bon voilà, t'as un système avec qui est inspiré PBTA, avec quelques options et tout, genre, ah bah, pour relancer le dé, je vais utiliser mon animal de compagnie et tout. Mais honnêtement, il n'y a aucune tactique, quoi. C'est grosso modo, on lance les dés contre un monstre, et puis quand on a lancé assez suffisamment les dés, voilà, on gère un petit peu des petites ressources, et puis bon, on fait son chemin comme ça jusqu'à la fin, mais c'est un jeu de loi, hein. Il n'y a aucun roleplay, il n'y a absolument aucune émergence, aucune agent divisé, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est. Et du coup, ben ça, c'est à la fois excellent, et à la fois, en fait, t'as vraiment fait que le tout début du chemin, quoi. Hein. Alors, c'est très rigolo, parce que tu peux faire ta petite carte, tout ça. Il y a plein de choses qui sont très belles, mais ça, si tu ne fais pas une partie de jeu de rôle quand tu joues à mon premier jeu de rôle, ça n'est pas du jeu de rôle. Enfin, dans le sens, il n'y a aucun rôle, enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de roleplay. Et donc, ça n'est qu'une passerelle, tu vois, enfin, ça n'est qu'une passerelle vers autre chose. Après, on va en parler de cette notion de passerelle quand même. Donc voilà, on peut considérer que de telles initiations, c'est-à-dire bah, des initiations avec des formats très courts, souvent même des scénarios dirigistes, voire même pas de roleplay du tout, ni même de gameplay, eh bien on peut considérer que cette pratique, ça permet pas vraiment d'aborder la pratique qui reste majoritaire, c'est-à-dire un jeu de rôle qui est très chronophage, quoi, des parties de 4 heures, 5 heures. Et qui peut même être élitiste, ou entre guillemets, il y a quand même un bagage cognitif, des fois important, qui peut être demandé pour jouer au jeu de rôle. Et par exemple, là, je vais rebondir un peu sur l'actualité, il y a la cellule qui a sorti un podcast où il critique la boîte d'initiation Lapeyrolles. Lapeyrolles, voilà, c'est censé être c'est la promesse d'un jeu apéro en 1h30. Et donc, il critique beaucoup le gameplay, bon, qui effectivement a l'air, grosso modo, Lapeyrolles. Si la cellule a bien compris, a bien transmis, parce que moi j'ai pas lu le jeu, hein, mais grosso modo, c'est une succession de placards de texte à lire aux joueurs, combat, et combat vraiment sans aucune tactique, hein, on lance les dés pour faire perdre des points de vie à l'adversaire, quoi. Placard de texte, combat, placard de texte, combat, quoi. Voilà, donc est-ce que ça ressemble vraiment beaucoup à une partie de jeu de rôle entre guillemets normale? Bah non, non, non, non. Et donc c'est donc là, tu vois, donc du coup, par exemple, la cellule critique beaucoup Lapeyrolles en disant qu'en fait, ça n'est pas une initiation au jeu de rôle dans le sens où ça n'a rien à voir avec du jeu de rôle en fait. Bon, ils donnent d'autres critiques aussi. Ils disent que, en fait, le jeu de rôle, c'est une contre-culture, ça devrait le rester, et en fait, on se fourvoie si on essaie de rendre le jeu de rôle mainstream, surtout si, entre guillemets, pour le rendre mainstream, ce serait à l'avenir, à des produits clés en main, sans roleplay, sans gameplay, et tout, ou juste y a un MJ qui est là pour lire des pavés de texte, et puis on lance les dés, quoi. Ce qui en fait quelque chose, finalement, de moins intéressant qu'un jeu de plateau, quoi. Je veux dire, il y a plus à manger dans un jeu de plateau narratif que dans un scénar d'initiation au jeu de rôle qui est juste ça, placard de texte lancé de dés, quoi. Et donc, voilà, mais le problème, c'est que la cellule, ils ont également la dent dure avec Pour la Reine, le podcast de critique de Pour la Reine est quand même assez dubitatif sur les résultats. Et ils sont également assez critiques envers le jeu de rôle Alice is Missing. Or, pour la reine et Alice is Missing, si on y regarde de près, quelque part, ils sont un peu censés remplir le cahier des charges qui est attendu par la cellule, c'est-à-dire quelque chose qui se veut une initiation au jeu de rôle, mais qui n'est pas conformiste, voilà, qui tente des choses en termes de gameplay et tout, en termes d'univers, en termes d'expérience et tout. Parce que voilà, Alice is Missing, tu dis, enfin, il y a quelques années, on m'aurait dit, tu vas voir, il y a une boîte d'initiation au jeu de rôle qui va se vendre super bien, et en fait, c'est du drama adolescent, gros, parce que c'est ça, Alice is Missing. J'aurais pas cru. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste une contre-culture ou est-ce qu'on essaie de devenir mainstream? Et si on essaie de devenir mainstream, qu'est-ce qu'on propose? Je te laisse un peu y réfléchir. Et aussi, si tu veux, il y a un peu cette question de pour, on initie les gens, pourquoi en fait? Est-ce que j'initie la personne pour qu'elle reste en fait une rôliste dilettante, c'est-à-dire que tu vois, je lui fais faire une partie de jeu de rôle, peut-être juste pour que la personne elle sache ce que c'est, quoi. Des fois, il y a beaucoup d'initiations au jeu de rôle, c'est juste ça, quoi. Je vais initier mes parents au jeu de rôle, non pas pour qu'ils y jouent ensuite, mais pour qu'ils sachent en fait c'est quoi mon activité, puis qu'ils arrêtent de penser que je suis sataniste, quoi. En gros, quoi. C'est un peu tout le but de transformer la personne en rôliste, c'est juste qu'elle soit un peu plus instruite sur ma pratique. Ou éventuellement, le but, ça peut être, bon, la personne, elle va refaire d'entendre du jeu de rôle quand il ira en salon de jeu. Eh ben, si elle voit une table de jeu de rôle, d'initiation, hein, elle va y retourner, tu vois. Donc, elle va faire une partie par an dans des salons, mais ce sera une personne qui sera absolument pas autonome pour faire du jeu de rôle de son côté, quoi. Voilà, ce sera juste une personne qui va enquiller les sessions de jeu de rôle apéro, quoi. Donc, la question, voilà, c'est ce qu'on veut initier. Ça en fait, est-ce que c'est des apérolistes entre guillemets qu'on veut initier ou est-ce qu'on veut initier des rôlistes confirmés quoi, créer en fait de nouveaux rôlistes qui vont avoir une pratique un peu plus conforme à la nôtre. Eh bien, justement, c'est pour ça que y a certaines personnes qui disent non, mais moi si j'initie, c'est pas avec un jeu de rôle apéro parce que c'est pas ma pratique. Et moi, je vais intéresser la personne à ma pratique. Donc, par exemple, je connais au moins une personne qui, quand elle veut initier quelqu'un au jeu de rôle, c'est tu viens chez moi tout un week-end et on joue tout un week-end. Parce que c'est comme ça que je joue. Donc, c'est ça que je vais te faire découvrir. De même, bon, si tu veux, si le but, si tu inities la personne parce que tu veux qu'elle rejoigne ta campagne de Vampire la Mascarade. Est-ce que ça sert à quelque chose de la faire commencer en faisant jouer à Alice is Missing? Ah non, tu commences direct, bah, création de personnage, Vampire la Mascarade, et puis on se fait une soirée, on joue à Vampire la Mascarade pendant une séance, éventuellement ça peut être un one-shot, mais ça peut carrément être l'intro de campagne, puis si la personne est OK pour continuer, bah, on continue, mais tu commences directement avec le format que tu vises au final, quoi. Alors, encore une critique sur l'initiation, plus exactement sur les boîtes d'initiation, sur leur contenu. En fait, on voit que les boîtes d'initiation, elles ont évolué pour devenir assez luxueuses, quoi. Donc, il y a beaucoup de dettes de jeu cartonnées, en couleur. Alice is Missing a une mansion qui est composée exprès pour le jeu. Patati patata. Tu vas aussi avoir l'initiation par les MJ professionnels. Donc, c'est un luxe dans le sens où tu vas payer une personne, des fois peut-être un peu cher, pour qu'elle t'anime une soirée. Et on commence à voir apparaître aussi des salles de jeux de rôle, un peu sur le modèle des escape games, c'est-à-dire que il y a des lieux en fait dans des centres un petit peu de loisirs à thème comme ça, où tu vas pouvoir venir et entre guillemets il y a un MJ qui t'attend quoi, et que tu vas payer à l'heure pour faire une partie de jeu de rôle dans une salle toute décorée et tout quoi. Donc voilà, je sais pas combien c'est, je sais pas combien c'est les tarifs. À mon avis, ça va se rapprocher d'un tarif d'escape game, quoi, genre 20 euros de l'heure, tu vois, quelque chose comme ça, quoi, par personne, tu vois, minimum. Enfin, donc des choses un petit peu luxueuses, entre guillemets, quoi. Et bah, on se dit, bah oui, mais c'est ça qu'on fait découvrir comme jeu de rôle. Du coup, on reste toujours sur un coup d'entrée. C'est-à-dire que le jeu de rôle s'est présenté comme étant finalement un produit qui coûte cher de l'heure, quoi. Hein, voilà, s'il faut claquer 10, 20, peut-être 30 euros de l'heure pour avoir une partie de jeu de rôle. Est-ce que c'est ça qu'on veut défendre comme pratique du jeu de rôle? Alors à ça, il y a Il y a deux critiques, il y a deux contre-ordres. Le premier, c'est que, bah, en fait, il y a des jeux de rôle en campagne et tout qui sont tout aussi chers, quoi. Je veux dire, maintenant, le format habituel d'un jeu de rôle complet, c'est 100 balles, quoi. C'est 100 balles pour avoir le jeu dans son entier, toutes les aides de jeu qui vont bien et tout. C'est vraiment. Ça commence à devenir la base, quoi. C'est-à-dire que, ouais, tu peux acheter le livre de base à 30, 40 balles et tout. Et si tu veux avoir la full expérience avec tous les scénarios, la campagne, puis surtout toutes les aides de jeu, plus ou moins utiles. Bon, si je prends par exemple Root, le jeu de rôle, je l'ai payé 40 balles. Mais en fait, à 40 balles, tu sens que le jeu, il n'est pas fait pour être tellement autonome que ça à 40 balles. T'as même pas des rappels des moves de base quelque part sur une carte ou une feuille et tout, ça n'existe pas, c'est juste dans le bouquin, quoi. Et en fait, si tu vas avoir toutes les aides de jeu qui vont fluidifier la partie, qui font que tu vas vraiment juste avoir un truc optimal, eh ben ça va te coûter 100 balles. Alors t'es content parce qu'il y a du visuel, tout ça, machin, mais voilà, ça coûte 100 balles. Donc en fait, des boîtes d'initiation à 20 balles, bah finalement c'est juste logique parce qu'il y a une inflation générale à la fois en qualité et en prix des jeux de rôle classiques. L'autre objection que l'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut aussi s'initier à gratuit, voire pas cher, ou pas cher, voire boîte. Si on fouille un peu le web, bon, bah, si je prends par exemple Sodalitas, voilà, c'est un très très bon jeu d'initiation, hein, un système ultra simple et plein de scénarios, voilà, j'y reviendrai, mais l'abondance de scénarios, c'est vraiment un gros plus pour un jeu d'initiation. Parce que c'est ce qui est le plus dur à faire en fait quand tu débutes en maîtrise quoi, faire des scénarios. Donc là, c'est important d'en avoir beaucoup à sa disposition, tout écrit. Bon bah Sodalitas, c'est 4 $ quoi. Ça va quoi. Franchement, tu peux déjà t'occuper une paire d'heures avec ces fameux 4 $ quoi. Ou alors, je sais pas, ce qui est très bon pour s'auto-initier, pour s'initier ou s'auto-initier, les jeux en une page, par exemple les jeux de Grand Howitt, Objectif Miel, tu passes une super soirée, ça t'a rien coûté, un PDF gratuit, quoi. Voilà. Alors, on continue. Bravo, je perds mes notes. Alors, une fois passé un peu cette étape un peu critique, on va essayer de passer un peu aux conseils, aux prescriptions. De mon point de vue, hein, ça a été. Ouais, j'ai longtemps considéré que l'initiation au jeu de rôle, c'était un serpent de mer, qu'on ne savait pas trop quel était le meilleur format et tout. Au bout d'un moment, j'ai eu quand même quelques réponses, trouvées par moi ou trouvées par d'autres. Hein, il y a plein, plein de belles choses qui se font actuellement. Les bonnes pratiques d'initiation, bah, il faut que tu évalues, voilà, comme j'ai dit un peu avant, si tu inities pour faire découvrir le loisir ou pour faire rejouer. C'est important qu'il y ait une bonne connivence, une bonne ambiance entre les personnes, encore plus qu'en jeu de rôle normal. Hein. Et en fait, bah, il va falloir que la personne néophyte fasse la moitié du chemin. C'est-à-dire que ce sera toujours plus facile avec une personne qui a à la fois une curiosité, puis une culture narrative et ludique, qui va lui permettre d'appréhender plus facilement ce que le jeu de rôle attend d'elle, quoi. Je te renverrai vers une vidéo en anglais qui est vraiment très bien, c'est une MJ en fait qui fait découvrir Donjons et Dragons à sa grand-mère qui est centenaire. Tu dis au début, alors il y a vraiment ce côté de chacun va dans le sens de l'autre parce que donc la petite fille, elle fait des efforts particuliers, notamment elle a imprimé des visuels en gros. Je crois qu'il n'y a pas de texte parce que la grand-mère ne peut plus trop bien lire et tout. Donc elle a et surtout elle l'a fait jouer elle toute seule pour qu'il n'y ait pas cette notion d'avoir des interactions avec d'autres PJ à gérer, tu vois. Donc elle fait un effort particulier vers la néophyte, mais la néophyte elle-même, c'est pas vraiment qu'elle fasse des efforts, mais en fait, certes, elle est centenaire, mais en fait, elle fait partie d'un club de bridge. Enfin, elle a une culture de jeu, en fait, elle joue tout le temps. Et puis, elle connaît, en fait, elle connaît la fantasy. Tu vois, en fait, elle explique à sa petite fille qu'elle binge watch le Trône de Fer. Ça me fait rire. Et donc, en fait, tu la vois, la grand-mère, elle est tout de suite hyper à l'aise. Tu vois, que ce soit pour interpréter son personnage, inventer des bouts de fiction quand on lui demande et tout. Et ça passe crème. Mais il y a vraiment cet effet de chacun fait un pas vers l'autre. Donc, Je pense que c'est un plus de recourir à un système dédié à l'initiation, ou en tout cas particulièrement accessible, et avoir des aides de jeu léchées. C'est un plus parce que les aides de jeu, elles ont deux intérêts. Bah, d'une, ça va quand même ventiler l'information plus facilement et tout. Et puis de deux, bah, c'est joli. Voilà, c'est joli. Et donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais de toute façon, quel que soit le système que tu utilises, quelle que soit la perfection de ce système, il va falloir encore plus, bien sûr, que dans une partie normale, que tu adaptes minute par minute en fonction des réactions que tu observes chez les néophytes. Donc, par exemple, une fois j'ai fait une partie d'initiation avec des enfants, et c'était une des premières fois que je faisais avec des gamins vraiment jeunes, j'ai déjà fait, mais je m'étais rendu compte d'un truc, c'est qu'ils adoraient jeter les dés. C'était leur intérêt principal dans la partie, c'était jeter les dés. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la fréquence de lancer de dés. Je réclamais de plus en plus de jets de dés pour de plus en plus de choses et tout. Voilà, parce que là, à ce moment-là, c'était ce qui était pertinent. C'est pas quelque chose que j'aurais fait avec n'importe quel public à initier, quoi, augmenter la fréquence des jets de dés. Et évidemment, je pense que à la fin de ta partie d'initiation, ça peut être bien de conclure sur la diversité du média. A fortiori si ta partie s'est mal passée. Hein? Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai fait découvrir le jeu de rôle. Je sais plus, avec du jeu sans MJ, par exemple, ça s'est mal passé. Les personnes avaient l'air assez dubitatives. Je lui dis, mais tu sais, il y a beaucoup de jeux de rôle où il y a un MJ, il y a quelqu'un qui raconte une histoire, parce que la personne n'était pas trop à l'aise avec le fait de co-créer l'histoire, quoi. Donc ça peut être bien, à la fin, d'ouvrir, dire. Bon, là je t'ai montré une façon de faire, c'est beaucoup plus divers en réalité, peut-être que tu trouveras plus ton bonheur ailleurs et tout. Après, c'est pas la peine d'en faire des tartines. Voilà, Rome s'est pas faite en un jour, c'est pas la peine d'infodumper la personne sur toute la diversité de notre beau média, alors que l'important c'est qu'elle ait pris du fun pendant 1 heure, et puis voilà quoi. Et alors, on va finir. Oh, c'était super long cette vidéo et c'est pas fini. On va finir avec qu'est-ce qu'on devrait mettre, alors c'est un peu plus le point game design. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans une bonne boîte d'initiation? Qu'est-ce que ça doit contenir? Bon, alors, un système simple, hein, je répète, mais voilà, c'est pas l'endroit pour être très compliqué. Par exemple, là où il y a une certaine audace, c'est la boîte d'initiation de Donjons et Dragons, où bah, Donjons et Dragons 5, voilà, il y a quand même pas mal de règles, hein, faut pas, on va pas se mentir, il y a pas mal de règles pour quelqu'un qui a jamais vu, ça peut être un tout petit peu ardu. Après, bon, voilà, j'aime bien cette boîte d'initiation à DD5, hein, je trouve beaucoup de qualités, notamment les scénarios, ce sont des donjons, et donc par conséquent, ils sont pas linéaires, eh oui, ils sont pas linéaires, ça c'est bien, il y a possibilité d'avoir un peu de RP avec quelques PNJ, donc cette boîte d'initiation a des qualités, elle a un peu le défaut, je trouve, bah, certes, le système de DD est simplifié, notamment il n'y a pas de création de personnages, bon après, je pense qu'il y a un truc un peu marketing, dans genre, ah, tu ne peux pas créer de personnages avec la boîte d'initiation à Donjons Dragon, donc tu vas devoir acheter quelque chose en plus pour pouvoir continuer à jouer, et oui, bah bye ton autonomie. Mais bon, voilà, il faut faire simple, je pense, en règle générale, et si tu fais une boîte d'initiation à un autre jeu, voilà, boîte d'initiation à Cthulhu, à Donjons et Dragons, il faut simplifier le système de base, c'est pas la peine de présenter toutes les options tout de suite. Mais pour moi, je pense qu'il faut quand même la possibilité de roleplay. Voilà, donc des situations quand même suffisamment ouvertes pour qu'il y ait du roleplay. Et par contre, il faut pas laisser MJ en carafe face à cette situation, voilà, d'émergence, d'idée des joueuses. Il faut un tout petit peu expliquer, voilà, il faut essayer de trouver un petit paragraphe qui explique comment on fait pour s'adapter aux idées des joueurs qui sortent un petit peu de la map, quoi. Il faut que cette boîte d'initiation ait une durée de vie intéressante. Je pense que c'est un peu prendre les gens de court avec bah, des boîtes à un scénario, quoi. Alors, ou des boîtes à un scénario rejouable, mais bon, où on perd un intérêt. Tu veux dire, hein, pour l'arène, c'est un jeu que j'adore beaucoup, il est révolutionnaire par plein d'aspects. Mais bon, la durée de vie n'est pas exceptionnelle, exceptionnelle. Tu vas faire 3-4 parties. Et voilà, t'auras fait le tour de pour l'arène, hein, je pense. Si tu as fait 2000 parties pour l'arène sans te lasser, tu peux m'insulter en commentaire, il n'y a pas de souci, je serais vraiment très curieux de connaître ton expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une durée de vie intéressante? Bah, il faut des scénarios, hein, voilà, il faut des scénarios, des scénarios. Et bien, je vais prendre l'exemple de Pour la Reine, pour parler de trucs un peu, parce que Pour la Reine, c'est une sorte de scénario jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un Pour la Reine qui a une vraie durée de vie? Bah, je pense qu'il faudrait une boîte avec un jeu. Alors, voilà, l'idéal, mon Pour la Reine idéal, je vais te dire c'est quoi? Il faudrait une boîte avec un tarot, tu vois, un tarot thématique. Alors, pas forcément le tarot de Marseille, mais genre 30, 40 cartes avec un thème. La méchanceté, l'amour, ce que tu veux, tu vois, des cartes à thème. Et ensuite, on a des scénarios. En fait, un scénario, ce serait une prémisse, et pour chaque thématique, une question. Donc, je sais pas. Bah, grosso modo, t'aurais le scénario où on joue des camionneurs dans le Grand Ouest américain. Et en fait, si tu tires, la méchanceté, c'est grosso modo, quelqu'un a crevé les pneus de ton camion. Qu'est-ce que tu fais? Si tu tires l'amour, c'est, tu vois en fait, tu croises un camion et il y a une personne, tu la vois, c'est amour au premier regard. Tu vois comment tu vas faire pour la retrouver alors que vous venez de vous croiser à 90 à l'heure, quoi. Et un autre scénario, mettons, il faut sauver le prince. Amour, bah la carte d'amour, c'est est-ce que le fait que toi tu sois amoureux amoureuse du prince, est-ce que c'est une aide dans ta mission ou est-ce que c'est plutôt un point faible? La méchanceté, c'est qui vous met des bâtons dans les roues dans la mission de sauver le prince par pure méchanceté, tu vois, ainsi de suite. Donc, alors ce format-là que je viens d'inventer sous vos yeux, il a deux intérêts. C'est qu'en fait, du coup, un scénario peut se résumer, voilà, en deux, trois pages, même pas, quoi. Et du coup, dans une boîte, je peux en mettre au moins une demi-douzaine, quoi, tu vois. Et en plus de ça, j'ai un jeu de cartes qui donne envie, aux joueurs, une fois qu'ils ont essayé les scénarios, de réutiliser ce jeu de cartes pour faire leur propre scénario, tu vois. Alors, tu me diras, on peut le faire avec un jeu de cartes et beaucoup de jeux un peu pour l'arène ou protocole qui utilisent un jeu de 54 cartes classique. Mais là, on a un peu le problème, on a deux problèmes, c'est que bah, du coup, il faut acheter le jeu de cartes à côté ou on en avoir un à côté, c'est un petit frein. Tu peux pas permettre spontanément de dire ah j'achète ce jeu et je joue tout de suite si t'as pas de 54 cartes sur toi. Et l'autre problème c'est que bah, en fait d'avoir des oracles thématiques t'aiderait beaucoup plus à faire tes propres scénarios plutôt que bon alors je mets quoi l'as de cœur qu'est-ce que je mets et tout. Voilà, bon c'est mon idée, elle est gratuite si tu veux l'exploiter, je t'en prie. Donc, après, comment on fait? Donc, il faut de la patate de scénario. Alors, soit on les fait tous tenir dans la boîte, ou soit on a, par exemple, un kit d'initiation qui mène vers une gamme senior. Voilà, j'ai parlé de Knight, par exemple. Voilà, l'idée, je sais pas combien il y aura de scénarios dans la boîte, mais si on a deux, trois, je pense qu'on est déjà heureux, quoi. Mais après, t'as toute la gamme Knight qui te tend les bras, quoi. Bon, pareil pour la boîte de Cthulhu, la boîte de DD5, ainsi de suite, quoi. On peut avoir plusieurs boîtes avec des scénarios différents, qui peuvent être dans le même univers ou dans des univers différents. Hein. La gamme Force de Story, bah, en fait, on a plusieurs boîtes avec le même gameplay, mais dans des univers différents. Voilà, Aperol, bah, Aperol, voilà, y a deux boîtes avec. Je sais, ça se trouve, c'est pas le même gameplay. C'est pas un bon exemple. Bref. L'idée aussi, c'est que le prix soit assez doux, quoi. Bah pour limiter la friction à l'achat, surtout si on est sur de l'auto-initiation, il y a intérêt à ce que déjà, jeu de rôle, ça te mette beaucoup de paillettes dans les yeux pour que tu mettes 50 balles dans un produit d'appel, quoi. Hein. Donc, effectivement, si on peut rester en dessous de la barre des 20, 20 à peu près autour de 20 euros, c'est bien, quoi. Et du coup, comment on fait pour avoir beaucoup de scénarios avec un prix tout doux? Eh bien, la réponse s'appelle le haut potentiel ludique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à avoir le maximum de potentialité avec le minimum de mots. Bon, ça, c'est un travail d'écriture, de design et tout. Donc, le haut potentiel ludique, il est atteint, par exemple, par Pour la Reine, où on a quand même, rapport au nombre de mots, on a une très très bonne rejouabilité. et le haut potentiel ludique, il est raté par Aperol, où t'as juste un scénario de 1h30, voilà, pour, certes, c'est pas cher, c'est 13 balles, mais t'as juste un scénario pour 1h30, quoi. Voilà. Ou alors, on peut être un peu plus économe dans le matériel. J'ai parlé de l'intérêt, d'avoir des belles aides de jeu, cartonnées, tout ça, machin. Mais peut-être qu'on peut retourner à avoir un seul livre, tu vois, juste un bouquin. Ça peut valoir le coup. Par exemple, Marche-Branche, parfait pour l'initiation ou l'auto-initiation, parce que le jeu est quand même très très didactique. 25 balles, franchement, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on va jusqu'à oser la profondeur? Alors, vraiment, du coup, alors plus que 4 ou 5 scénarios, mais vraiment proposer une rejouabilité intense avec un produit avec un produit d'initiation, eh bien, je pense que oui, je pense que c'est possible. Et pour ça, en fait, il faut aller sur quelque chose de avec beaucoup de matériel, mais très plug and play, c'est-à-dire un système, un core système vraiment très simple, et puis après une évolution dans le jeu de façon plug and play. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut un livre de jeu de rôle qui soit un émulateur de MJ, avec la prise en main la plus facile possible. C'est notamment un des buts que j'ai avec Biomass, hein, puisque le gameplay de base il est ultra simple, c'est du pour l'arène quoi, en gros quoi. Et après il y a une profondeur parce qu'en fait en termes de narration, au moins en termes de narration, la rejouabilité elle est quasiment infinie quoi. Une fois que tu as compris que tu progresses en une arborescence, tu réponds à des questions, le bouquin il fera 500 pages et tu peux y jouer une vie entière, je pense qu'il n'y a pas de problème quoi. Et donc pour finir, en règle générale, alors là c'est plutôt un conseil pour écrire un bouquin de jeu de rôle en général, mais je pense que la plupart des bouquins de jeu de rôle gagnent en fait à être rédigés avec un public de débutants en vue. Alors bien sûr, c'est pas le cas, il y a plein de fois où ça c'est très intéressant de ne pas se diriger vers les débutants, je sais n'importe quoi, je suis fan d'OSR, bon bah déjà. Voilà, l'OSR c'est quand même une pratique qui nécessite un certain apprentissage, comprendre comment ça marche. Mais si j'achète un bouquin OSR, à la limite, moi peut-être que la seule chose que je veux, c'est des donjons, quoi. Je veux pas qu'on me réexplique le système, qu'on me réexplique comment maîtriser à la façon OSR, qu'on me donne une définition du jeu de rôle et tout. Moi, c'est une question de public cible. De toute façon, si tu fais des donjons OSR, la probabilité que tu tombes sur des débutants, elle est peut-être assez faible. Donc bon, peut-être que ça vaut le coup, effectivement, d'aller tout de suite dans le. Allez, j'ai décidé, j'économise 30 pages en vous expliquant, voilà, en vous expliquant pas la base, quoi. Je considère que vous avez déjà joué. Un jeu qui le fait, par exemple, c'est Johann Scipion, Sombre de Johann Scipion. Il est très cash dans son bouquin. Il dit, je m'adresse à des meneurs expérimentés. Donc voilà, je vais pas chercher à vous initier au jeu de rôle, c'est pas mon but. Du coup, on va gagner beaucoup beaucoup de temps en considérant que vous avez déjà, voilà, un petit peu de galon. Et sinon, c'est pas la peine de vous attaquer à Sombre. Bon, alors peut-être qu'il a changé de propos depuis, parce qu'il a comme il a étoffé sa gamme, j'ai pas tout suivi. Peut-être que maintenant, il y a quand même des trucs un peu initiation. Après, il y a toujours. Enfin, je trouve que ces scénarios, au contraire, sont très très bien pour initier au jeu de rôle, quoi. Enfin, du moins, faut être prêt à initier avec du jeu de rôle d'horreur. Mais cet aspect émotionnel mis à part. Un scénario de sombre, c'est parfait pour initier, puisqu'ils sont vraiment très très cadrés. Voilà, après, ça amène, et je pense qu'on va finir là-dessus, il y a sur la façon de rédiger à destination des débutants, des débutantes, il y a une espèce d'équilibrage à trouver qui est vraiment pas facile, hein, entre il faut que je fasse simple, mais en même temps, il faut que j'explique bien. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup de textes, que je vais peut-être avoir des scénarios très rédigés et tout. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre entre simplicité, mais quand même mettre assez de textes pour que les gens ne soient pas perdus. Voilà, il n'y a pas de réponse absolue à ce dilemme. Bon, voilà. Bon, bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo presque d'une heure. J'espère que ça ne t'a pas lassé. De toute façon, tu es un être exceptionnel, capable de faire bien des efforts pour atteindre les arcanes de notre beau loisir. Et donc je pense que tu as dévoré ces 50 minutes avec la gourmandise d'un padawan en mal de savoir. Sur ce, je te laisse à la prochaine.